Soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous abordons cette émission une fois de plus pour vous parler de notre programme qui a été introduit depuis le 22 février 2018, un programme de 40 jours. Pourquoi 40 jours? Vous savez, Dieu a détruit le monde avec un déluge, une pluie qui avait duré 40 jours. La Bible précise que le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 7, verset 17. Pendant 40 jours. Donc le chiffre 40, c'est le chiffre de la destruction, des ennemis de Dieu. Et qui est l'ennemi de Dieu? C'est le sorcier. Qui est l'ennemi de Dieu? C'est la personne qui refuse d'accepter Christ comme son sauveur personnel. C'est pourquoi l'homme qu'on appelle Ézéchiel, un prophète de l'Éternel rempli du Saint-Esprit, son corps n'était pas habité par le Saint-Esprit, comme le tien, comme le mien, à cause de la présence du péché originel. Mais le Saint-Esprit descendait de temps en temps. C'est pourquoi il dit au chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, « La main de l'Éternel fut sur moi. » Aujourd'hui, moi, je ne peux plus dire « La main de l'Éternel est sur moi. » Je suis habité par le Saint-Esprit, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dès que tu acceptes Jésus, et Jésus te délivre de la puissance du péché originel, il te délivre de la malédiction originelle, et tu deviens enfant de Dieu. Il te délivre de la vaine manière de vivre que tu as héritée de tes parents. Tu deviens enfant de Dieu. Il te délivre aussi de diverses malédictions à remporter derrière chaque péché commis devant la face de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il te délivre, son sang te délivre, le sang de Jésus te délivre. C'est pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Bien. Il précise ici, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta dans une vallée. Il me transporta dans une vallée en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Une vallée remplie d'ossements. Mais qu'est-ce que ça veut dire en principe? On a toujours cru que cette portion de la parole concerne Israël. Oui, au départ, ça concerne Israël. Mais de nos jours, dans la Nouvelle Alliance, ça concerne toute l'humanité. Je précise, toute l'humanité. Le monde entier est considéré comme une vallée, une prison. Et dans cette prison, il n'y a que des ossements. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, vous étiez morts. Éphésiens chapitre 2. J'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Chapitre 2, à partir du premier verset. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. À cause du péché originel, tout homme est considéré comme rebelle. Tout homme est considéré comme les ossements, un os sec, qui n'a pas de vie. C'est pourquoi il est écrit, vous étiez morts. Et Dieu, quand il regarde la terre, il ne voit que des ossements desséchés, qui doivent recevoir la vie. Et comment ces os vont alors recevoir la vie? Nous retournons voir Ézéchiel. Et la Bible dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, ces ossements, desséchés à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Lorsque tu n'as pas Jésus, ta vie est complètement sèche. Ton mariage est complètement sec. Ta santé est complètement sèche. Ta vie professionnelle est complètement sèche également. Tout est sec dans ta vie. À cause du péché originel. Et c'est ce péché qui a apporté la malédiction. Et cette malédiction qui a fait sortir Adam du jardin d'Éden, là où il y avait la bénédiction. C'est pourquoi Dieu appelle un homme, à l'époque, il s'appelle Ézéchiel. Il pose cette question à Ézéchiel. Il dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, tu le sais. » Ces eaux pourront-ils revivre? L'humanité peut-elle avoir la vie? Les hommes et les femmes qui habitent dans ce monde peuvent-ils avoir la vie? Puisque la Bible dit, vous étiez morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez la vie? Dieu dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ce n'est pas Dieu qui amène les hommes et les femmes à la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas Dieu qui annonce l'évangile aux ossements desséchés, les hommes et les femmes qui sont considérés comme les ossements desséchés. C'est pas Dieu, mais ce sont les êtres humains. Ce que Dieu a d'abord appelé depuis Jésus. Il a envoyé Jésus pour nous sauver de la vallée. Et lorsque Jésus est descendu dans cette vallée, pour les Juifs et pour toute l'humanité, il n'est pas venu pour une religion. Il est venu pour les Juifs et pour toute l'humanité. Jésus. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Parce que tu es mort éternellement. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels on marchait auparavant. Selon le train de ce monde. Il ajoute, verset 3, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. » Qui écrit Paul? Malgré que Paul appartenait auparavant à une religion, mais c'était des cadavres, lui-même était cadavre. C'est pourquoi il dit, « Nous étions tous aussi... Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Il dit nous. Et pourtant, il était juif. Quelqu'un qui suivait la loi de Moïse. Donc, tous ceux qui sont dans les religions en général, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez jamais été délivré, je l'ai bien délivré par Jésus, je précise, parce que c'est lui seul qui délivre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le sol, sous le ciel, aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des prophètes. Ce sont des prophètes, mais ils ne sauvent pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. Eux ne sauvent pas. Donc, la loi que vous suivez, les 10 commandements que vous suivez, Paul suivait aussi les 10 commandements. Mais les 10 commandements ne pouvaient pas lui donner la vie. Pas du tout. La personne qui donne la vie s'appelle Jésus. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature. Quelle nature? La nature pécheresse adamique. Par nature, des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Avec qui? Avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ces ossements qui étaient dans la vallée n'avaient pas de vie. C'est une grâce que Dieu demande à son serviteur d'aller prophétiser. C'est une grâce lorsque Dieu dit à ses enfants dans tout l'univers d'aller annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Les hommes dans le monde entier ne pourront jamais entendre l'évangile si toi tu ne prêches pas. Si toi tu ne fais rien pour que l'évangile soit prêché sur les médias. Je précise, les hommes dans toute l'humanité n'entendront jamais l'évangile. Satan fait tout et tout pour embrigader, pour garder ces hommes dans la vallée, morts spirituellement. Et Dieu dit à cet homme, il me dit, prophétisez sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Mais de nos jours, quelle est la parole de l'Éternel qui doit être prêchée? Est-ce que c'est la loi de Moïse? Non. Le salut d'abord en Jésus-Christ. Les gens viennent sur les réseaux pour enseigner la loi, pour dire ce que les gens doivent faire pour être bons, pour être ceci. Non. Nous sommes dans l'obligation d'annoncer la bonne nouvelle du salut à toute l'humanité. Et la parole, c'est la prophétie. L'annonce, l'évangile, c'est un évangile prophétique. La parole de Dieu, c'est la prophétie. Lorsqu'elle est proclamée, elle apporte la délivrance du péché originel à ceux qui écoutent et à ceux qui acceptent. Lorsqu'elle est proclamée, elle apporte la guérison physique. Lorsqu'elle est proclamée, elle ouvre le chemin du ciel. Lorsqu'elle est proclamée, apporte beaucoup d'autres choses que nous allons voir. Parce qu'il dit, prophétisez sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que la Bible déclare que de nos jours, Dieu nous parle par son Fils. Mais alors, qu'est-ce que le Fils a dit? Le Fils a dit, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il s'adressait à Nicodème, qui était un grand observateur de la loi. Jean chapitre 3. La Bible précise, un homme est allé le voir dans la nuit. Et cet homme s'appelait comment? Nicodème. Et cet homme flatte Jésus en disant, nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Quelle belle confession. Quelle flatterie. Nous savons que tu es un grand docteur venu de Dieu. Dans Jean chapitre 1er verset, chapitre 3 verset 1er 8, Jésus aborde une doctrine fondamentale de la foi chrétienne. La régénération, selon Tite chapitre 3 verset 5. Ou naissance spirituelle, sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, ni le salut en Jésus-Christ. Voici quelques remarques importantes concernant la nouvelle naissance. Premièrement, la régénération est la recréation et la transformation de l'être humain. La recréer, c'est-à-dire les ossements étaient secs. Il fallait recréer ces hommes et ces femmes qui étaient considérés comme des ossements desséchés. Et la Bible précise de prophétiser. Et Dieu dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit. L'esprit de Dieu, lorsque tu es mort spirituellement, tu es né sans la présence du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es considéré comme cadavre ambulant. Tu es bien habillé, costumé, tu as des robes de 3000 euros, tu as des chaussures, tu as des vernis, tu as des rouges à lèvres, Tu as des poils de mouton sur la tête. Tu es vraiment bien habillé avec des parfums qui coûtent cher. Mais aux yeux de Dieu, tu es mort. Tu es un os desséché, un os sec. Tu es milliardaire. C'est pourquoi il dit dans le livre de Jean, au chapitre, Apocalypse chapitre 3, verset 17. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais la Bible déclare, c'est parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, que tu es pauvre, que tu es misérable. Et pourtant, tu prétends que tu es riche. Pour Dieu, tu es un os sec. Pas seulement l'os qui vit dans le corps d'un être humain, mais un os sec. Donc, le cadavre qui était déjà pourri, entré dans sa phase de destruction, la chair pourrie, les nerfs pourris. Il n'y a que les os qui sont restés et qui ont séché au soleil. Même les chiens refusent de croquer. Même les chiens refusent de manger. Ces os-là, les os secs, n'ont même pas la moelle à l'intérieur. Rien. Pas même la petite, le petit cartilage qui couvre l'os. La moelle à l'intérieur, tout est sec dans ta vie parce que tu n'as pas Christ. Tout est sec dans ta vie. Et pourtant, tu es bien habillé, tu as des maisons, tu as des voitures. Tu occupes un poste très élevé dans la société. Et tu appartiens à la classe des hommes riches ou des moyens ou je ne sais quoi. Mais tu es un homme pauvre, misérable. Tu es considéré comme un os dont le chien refuse de croquer. Même le chien refuse de croquer. Tu n'es rien du tout. Pourtant, tu es bien habillé, tu as déjà enlevé la peau. Tu portes tous les masques, poils de mouton sur la tête, et aussi ce qu'on appelle le fond de teint, ou bien teint de fond, je ne sais pas comment l'expression que vous utilisez souvent. Mais pour Dieu, tu es un homme, une personne, une femme, un os sec. Il n'y a rien de bon. Ton mariage est sec. Ta santé sèche. Tout est sec dans ta vie. Ta vie professionnelle est sèche également. C'est-à-dire qu'on peut la détruire. Satan peut détruire cette vie quand il veut, comme il entend. Tes affaires, cette vie des affaires est sèche également. Elle peut être détruite. Satan peut détruire. Dieu lui-même peut détruire. Et tu n'as plus rien. C'est pourquoi, dans ce monde-ci, pour que quelqu'un soit riche, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit signer des pactes avec Satan. Et pourtant, il a des talents. Un joueur de football, de hand, les boxeurs, il signe des pactes avec Satan. Avec Satan. C'est ça le grand problème. Il va signer des pactes avec Satan. Et il va croire. D'autres également entrent dans les réseaux. Pour être nommé ministre, pour être nommé ceci, il faut entrer dans tel réseau, dans tel cercle. Parce que tu es considéré comme un os, dont un os qui est comment sec. Tu n'as pas de vie. Et on te trompe. On te dit, il faut d'abord appartenir à tel réseau pour avoir ça, pour avoir ça. Les choses, la terre. Tu es un os sec, tu n'as pas de vie. La vie, c'est pas l'argent. La vie, ce ne sont pas des richesses. Nous sommes étrangers, voyageurs sur cette terre. Mais la vraie vie est cachée en Christ. La vraie vie, c'est le royaume des cieux. C'est la patrie céleste. C'est ça la vraie vie, où tu vas vivre éternellement. Mais Satan te fait croire que le royaume des cieux n'existe pas. Que Dieu n'existe pas. C'est des conneries. La religion africaine. D'autres disent, nous avons nos propres coutumes. Vous êtes considérés comme des ossements secs, avec vos coutumes, avec vos traditions. C'est pourquoi dans nos tribus, nos ennemis, on est obligé d'aller déterrer les crânes d'une personne décédée. On parle à un crâne, le crâne. On écrit des lettres, on met dans les trous des yeux, on met des lettres, va dire... Est-ce qu'il t'entend? Parce que toi-même, tu es sec. Toi qui mets des lèvres, tu es sec. Toi qui crois à ces coutumes, à ces traditions, tu es sec, tu es considéré comme un os sec. Il n'y a rien de bon dans ta vie. Tu vas dépenser tout ton argent là-dedans, sur les ossements secs, chez les féticheurs. Il est sec, toi-même tu es sec. Ton horoscope que tu lis, sec. Toi-même tu es sec également. Il n'y a rien, il n'y a pas de vie dans tout ça. Il n'y a rien. Tu te confies aux richesses incertaines. Tu as une vie sèche. Tu te confies, tu regardes ton corps, comment tu brilles, comment tu es belle, mais tu es, Dieu te voit comme un os, comment sec. Parce qu'il sait qu'à tout moment, crise cardiaque, tu tombes. C'est le sang qui jaillit. Tes yeux commencent à tomber. Toi qui étais belle aujourd'hui, il n'y a plus rien de bon sur toi. On t'appelle cadavre. Tu es mort à 6 heures du matin. Avant 18h, tu sens déjà mauvais. Même ton chaud quitte ton corps. Quitte, il va se tenir à distance. À distance, parce que le nom même a déjà changé. On t'appelle déjà cadavre. On t'appelle comment? Cadavre. Enterrer le cadavre. Mettez le cadavre à la morgue. Le nom change. Directement, le nom change. Tu as des richesses dans la maison. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, tu as toutes ces richesses. Les terres d'un homme riche ont beaucoup produit. Il s'est dit en lui-même, voilà, j'ai récolté beaucoup de richesses. Je dois les emmagasiner. Il a créé des greniers. Il a ouvert des comptes bancaires en Suisse, dans les paradis fiscaux. Tout cela, il gagne des millions d'euros. Et après, il dit, voilà, je peux manger mon argent tranquillement. Et Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as emmagasiné, ça sera pour qui? Ce n'est plus toi. Messieurs, c'est plus toi qui va manger cet argent. Ça va rester dans les comptes. Et ta famille, ils vont commencer à se battre, comme la famille de Johnny Hallyday, qui est en train de se battre aujourd'hui. La famille de qui? Johnny Hallyday, qui est en train de se battre. Il a laissé des millions, des millions, des millions, des millions, des villas. La famille est en train de se déchirer. Lui-même n'est plus là. C'est pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces os et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole. Comment un os peut écouter? Donc, il ne s'agissait pas des os que toi tu connais. Mais ce sont des êtres humains. Mais qui sont considérés comme des cadavres spirituels ambulants. Qui mangent, qui boivent l'alcool, champagne. Mais ce sont des êtres humains. Mais Dieu dit, écoute, parce que Dieu ne parle pas directement aux hommes. Il utilise ceux qu'il a mandaté. Il m'a mandaté pour te parler. Il a mandaté tous les enfants de Dieu. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu doivent annoncer la bonne nouvelle du salut aux ossements desséchés. Les êtres humains qui ne sont pas nés de nouveau, ce sont des ossements desséchés. Et chaque enfant de Dieu, Jésus-Christ a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Pourquoi à toute la création? Parce qu'ils sont morts spirituellement. Toute la création. À cause du péché originel. C'est pas à cause de ton péché. C'est pourquoi Romains chapitre 8 précise que la création tout entière soupire. Chapitre 8, partir du verset 19, verset 20, verset 22. Vous lisez, vous prenez votre Bible. La création, même les animaux, sont morts spirituellement. C'est pourquoi on doit les manger. Tout, la création a été maudite aussi. Les arbres maudits, les herbes maudites. La malédiction Adam et Ève a joué un rôle très déterminant dans la vie de toute l'humanité. C'est pourquoi la Bible précise, voici ce que tu dois dire, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est pourquoi lorsque tu acceptes Jésus, la puissance du sang de Jésus détruit la puissance du péché originel. Alors le Saint-Esprit descend sur toi. Parce que tu n'es pas né avec le Saint-Esprit. Il dit à Ézéchiel, prophétise, je veux faire entrer en vous un esprit. Il doit faire entrer l'esprit de Dieu. Parce que il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui est née avec l'esprit de Dieu. Jésus a reçu le Saint-Esprit à quel âge? Il a été engendré par le Saint-Esprit. Mais il a reçu le Saint-Esprit à quel âge? C'est le modèle que Dieu voulait nous montrer. Tu n'es pas né avec le Saint-Esprit. Tu dois recevoir parce que tu es né avec la malédiction, rejeté par Dieu. Il faudrait d'abord que tu sois délivré en prophétisant sur toi. C'est pourquoi cette semaine, le dimanche, tu dois être au temple des nations. Mercredi, tu dois être au temple des nations. Vendredi, tu dois être au temple des nations. Dimanche, alors, c'est l'apothéose. Pourquoi? Parce que je dois prophétiser. Je précise, je dois prophétiser. C'est un décret. Celui qui a reçu l'autorité doit prophétiser. Par exemple, une personne mariée à une femme, qui t'avait marié avec cette femme, c'est une autorité. Les parents d'abord, comme dans la famille, Dieu dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est pas vrai? Oui. Le mariage spirituel avec la pauvreté, ça commence dans ta famille. Le péché originel, tu es né avec ça dans ton sang. La mort, c'est dans ta famille, dans le sang, ça se trouve dans ton sang. Et tu as hérité. La Bible dit, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. La vaine manière de vivre que nous avions hérité, c'est un héritage. Tu es né avec ça. C'est dans la famille. Ce sont des autorités. C'est pourquoi pour se marier aussi, physiquement avec un homme ou une femme, ce sont les parents qui donnent leur fille ou leur garçon, les deux en mariage, avant l'intervention de l'Église ou bien des autorités administratives. Communales, juridiques, je ne sais pas ce qui se passe dans ton pays. Mais ça commence dans la famille. Comme spirituellement aussi, tu es né avec la malédiction adamique biologique dans ton corps. Et aussi, les pratiques de ton père, de ta mère, la sorcellerie de la famille, avec tisser des alliances. Je dis bien avec tisser des alliances. La sorcellerie de ta famille, ça c'est le côté spirituel. Mais ce côté spirituel ne peut jamais apporter, ton père biologique ne peut jamais t'apporter la délivrance. Ta mère biologique ne peut jamais t'apporter la délivrance. Parce que c'est les deux qui t'ont contaminé par le péché originel. Et aussi des alliances de malédiction, des alliances de pauvreté, des maris de nuit, ça provient de la famille. Des maladies héréditaires, ça provient de la famille. Il faudrait alors que dans la maison de Dieu, qui est la famille de Dieu, Dieu aurait mandaté ses serviteurs. C'est pourquoi la Bible dit, il a donné aux uns comme apôtres, Éphésiens chapitre 4, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ sur la terre encore. Donc les gens qui ont reçu mandat, des autorités, qui peuvent décréter, qui peuvent prophétiser sur toi. Même si la Bible dit que nous sommes nos propres prophètes, que tu dois prophétiser sur toi, mais tu ne peux pas prophétiser pour ta délivrance. C'est pratiquement impossible. Lorsque tu es déjà délivré, tu peux donc prophétiser pour tes affaires. Puis tu peux donc prophétiser pour tes projets. Lorsque tu es déjà délivré, d'abord du péché originel, et aussi de tous les liens héréditaires, aussi de tous les envoûtements. Parce que ce sont des alliances qui viennent de ta famille, de ta propre vie, de tes pratiques, de ton péché. Alors ces alliances, tu ne peux jamais les briser toi-même. C'est impossible. Ton père biologique ne peut pas les briser. Dieu a mandaté un homme, des hommes, comme le juge, qui doit proclamer le divorce. Toi-même, tu peux prendre la décision aujourd'hui en disant, je parle dans la foi, oui, je suis déjà divorcé avec cette femme, avec cet homme. Mais tu n'as jamais été divorcé, tu ne seras jamais divorcé de cette façon. Il faut aller voir un juge. Il faut aller voir une autorité qui a reçu le pouvoir de proclamer le divorce, qui doit prophétiser sur toi. Pour, donc, ici dans la spiritualité, on appelle ça prophétiser. C'est pourquoi les ossements desséchés traînaient dans la vallée, dans le monde. Et Dieu pose la question, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Il a fallu qu'Ézéchiel prêche. Dieu dit à Ézéchiel, c'est pas Dieu. Dieu n'a rien à faire dans cette histoire. Il donne le pouvoir à Ézéchiel. Il m'a donné le pouvoir pour ta délivrance. Il m'a donné le pouvoir pour ta guérison. Il m'a donné le pouvoir pour proclamer la délivrance sur le mari de nuit, sur la femme de nuit. Il m'a donné le pouvoir pour te délivrer de la pauvreté, de la misère, des envoûtements, des malédictions, de la souffrance éternelle. Et pour te délivrer aussi de l'enfer. Te parler de Jésus. Il m'a donné ce pouvoir, selon Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 10. Et tu vas un peu plus loin. Ici, Dieu s'adresse. Il dit, je vais faire entrer en vous un esprit. C'est ce que Ézéchiel doit dire. Donc, tous ceux qui m'écoutent, si vous n'avez pas Jésus, si vous n'êtes pas né de nouveau, la vraie nouvelle naissance qui commence sur l'identification du péché originel. Si tu n'as jamais identifié le péché originel avant d'accepter Jésus-Christ, tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu me dis aujourd'hui que voilà, moi, je suis né de nouveau parce que j'ai abandonné l'alcool, j'ai abandonné le sexe avec d'autres hommes, d'autres femmes, j'ai abandonné le mensonge, là, je sais que je suis né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Ça, c'est la loi. Paul aussi observait la loi, mais il conjugue le verbe en disant, nous étions aussi de leur nombre, en observant la loi. Mais c'est le péché originel, madame, messieurs, qui fait de toi fils de Satan, par rapport à cette nature adamique, tu es né avec ça, dans ton corps, dans ton sang. Il faut quelqu'un, c'est pourquoi lorsque tu acceptes le Seigneur, tu confesses par la bouche. Et un homme, l'homme de Dieu qui a prêché, doit donc te conduire. Il doit prier sur toi. Il doit briser. Il doit prononcer le divorce entre toi et le diable et les démons. Le jour que tu acceptes le Seigneur. C'est ça la nouvelle naissance. On n'a jamais fait ça. Et tu prétends être quelqu'un. Tu prétends que tu es né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. L'enfer t'attend. Tu n'es pas né de nouveau. Je ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. C'est la nouvelle naissance. Donc, le jour que tu reçois le Seigneur, l'Esprit de Dieu entre dans ton corps. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Je précise, ton corps devient quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est ça le modèle. Et puis, lorsque ton corps va devenir le temple du Saint-Esprit, et il ajoute, je ferai croître sur vous de la chair. Faire croître sur vous la chair ici, c'est quoi? C'est la guérison physique. Parce que lorsque tu es malade physiquement, mais tu perds le poids, il prophétise sur la guérison physique. On doit prophétiser, on doit prier ce dimanche, chaque dimanche, viens suivre cette alliance de table de nations sur l'adresse. Et ce dimanche, c'est spécial, le dimanche qui arrive ici, c'est spécial, tu ne dois pas rester chez toi à la maison. Tu dois faire tout et tout pour que tu sois là ce dimanche. Tu entres dans une nouvelle alliance, l'alliance de la guérison. Faire entrer l'Esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. C'est pourquoi Jésus-Christ prophétisait sur... Il dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit doit jouer un rôle dans ta vie. Et vous serez mes témoins. Il ajoute, je vous donnerai des nerfs. Les nerfs ici, ce sont les dons du Saint-Esprit. Je vous donnerai les nerfs, parce que sans les nerfs, je ne peux pas bouger. Sans les dons du Saint-Esprit, l'œuvre ne peut pas s'avancer. don de prophétie, don de parole de sagesse, parole de connaissance, don de miracle, don de ceci. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Il précise, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, dont la santé physique. Je vous couvrirai de peau. Couvrir de peau, ici, c'est quoi? C'est la protection spirituelle. Le sorcier ne peut plus jamais te détruire. Un envoûtement, le sorcier sera incapable de t'envoûter. Et si tu avais déjà été envoûté, je prononce seulement des paroles. Et tu es délivré. Et tu es délivré. Quel est le sorcier qui peut envoûter un enfant de Dieu? Petit sorcier. Petit sorcier du monde entier. Vous allez vous cacher dans des histoires, des cercles mystiques, des sectes pernicieuses. Vous portez des grosses barbes. C'est des conneries. C'est des bêtises. Il y a d'autres qui enterrent des Bibles. D'autres enterrent des lances. D'autres, on te dit, tu as la malchance. On doit graver ton corps. C'est des conneries. C'est des bêtises. Je précise, ce sont des bêtises. Il n'y a que la parole de Dieu. Pour un enfant de Dieu né de nouveau, je ne parle pas de la religion. Paul était dans la religion. N'est-ce pas, vous dites qu'il y a les plus grandes religions dans le monde, le judaïsme, le catholicisme, ceci, cela. Les religions que l'État connaît. Mais que Dieu lui ne connaît pas. Dieu n'est pas religieux. Dieu ne connaît pas la religion, monsieur. Dieu ne connaît pas la religion, madame. Tu perds ton temps à dire, je suis catholique, je suis protestant, je suis judaïque. Comment on les appelle même des judaïsants? Juste qui n'est pas né de nouveau, c'est l'enfer. C'est écrit dans la parole. C'est le juif quand Jésus va redescendre, tout elle le verra. C'est ces juifs qui seront en vie ce jour-là et qui vont croire selon la promesse. C'est ces juifs-là qui iront au ciel. Chaque juif qui n'accepte pas Jésus maintenant va en enfer direct depuis la nouvelle alliance. Direct. Et ça m'étonne que vous, pasteurs, soyez des emmenés de nouveau. Vous partez à l'Israël, vous revenez avec des chichias sur la tête. Vous vous faites convertir par les rabbins qui ne sont pas nés de nouveau. Vous n'avez pas honte. Ils vous enseignent quoi? La magie kabbalistique. Vous n'avez pas honte. Vous, pasteurs chrétiens africains, ceux qui voyagent, ils vous donnent l'argent là-bas, je sais. D'autres reviennent, ils parlent de Moïse. Moïse, c'est qui à côté de Jésus? Moïse a parlé de Jésus, s'il vous plaît. Moïse a parlé de l'arrivée de Jésus. C'est Jésus qui a donné la mission à Moïse. Parce que Moïse, Jésus-Christ est Dieu. Il a donné la mission à Moïse. Ça préfigurait tout simplement la libération des Hébreux sur la terre égyptienne. Ça préfigurait tout simplement notre libération sur les ossements desséchés dans la vallée. L'ombre des choses à venir. Je vous donnerai des nerfs, les dons du Saint-Esprit. Tu as quel don du Saint-Esprit alors? Je vous donnerai des nerfs. Les nerfs nous permettent de se déplacer. Les nerfs, le système nerveux, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Et je vous donnerai une peau qui va vous couvrir. C'est la protection. Dieu protège chaque personne qui est née de nouveau. Et il ajoute. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Un enfant de nous est né. C'est la prophétie sur l'arrivée de Jésus, non? On l'appellera Père Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Il se fit un mouvement. Quand quelqu'un est réellement né de nouveau, il y a un bruit, parce que le Saint-Esprit, quand il descend, Il descend dans ta vie avec un bruit. Tu commences à faire des bruits. C'est pas n'importe quel bruit, mais c'est le bruit du Saint-Esprit. Tu commences à prêcher l'évangile. L'évangile qui fait trembler le pécheur. L'évangile qui fait trembler les démons. Qui fait trembler les sorciers. Les sorciers commencent à mal parler de toi, à te critiquer. Les sorciers commencent à gémir. Tu mets mal à l'aise les sorciers. Ils commencent à trembler de part et de parce que quand moi je parle, tous les sorciers du monde entier tremblent. Tous les petits sorciers, les démons, Satan lui-même tremble parce que j'ai reçu une puissance, le Saint-Esprit qui est en moi, qui fait trembler les démons, qui fait trembler Satan et tout son royaume. Toutes les confréries des sorciers doivent trembler. Et j'apprends souvent que beaucoup de chrétiens disent, confessent par leur bouche, oh oui, il y a un sorcier qui m'a touché, qui m'a envoûté. Toi, enfant de Dieu, un sorcier t'envoûte. Tu penses que tu es enfant de Dieu? Je ferai entrer dans ton corps l'esprit. Et c'est dans ton propre corps-là que les démons viennent utiliser ce corps en couchant avec toi. Tu es toujours considéré comme un os desséché qui attire les chiens. Le démon, c'est le chien. Il faut que je prophétise sur toi. Parce que c'est toi qui as fait entrer ces démons. D'abord par ta famille, les oncles, il y a eu un mariage spirituel. Les tantes, tes frères, tes sœurs. C'est pourquoi tu ne fais que rêver d'eux. Et pourtant tu es déjà marié. Il faut que l'alliance soit brisée. Par qui? Pas par toi-même. Par quelqu'un qui a reçu le mandat. Ce dimanche, l'alliance doit être brisée. Par la puissance du Saint-Esprit. Je dois prophétiser. Je dois aussi t'amener à prophétiser. Parce que il est écrit que nous sommes nos propres prophètes. Lorsque le Seigneur va conduire Ézéchiel, il me dit prophétise et parle à l'Esprit. Et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Là, il commence à dresser comme tu es déjà délivré. Du péché originel, le Saint-Esprit est entré, le Saint-Esprit a la capacité de transmettre le message de Dieu à ton esprit. De transmettre le message de Dieu à ton esprit, toi. Donc il faut alors prophétiser, il faut prêcher. Quand on prêche, comment ils entendront Romains chapitre 10 à partir du verset 14? Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils entendront? Dieu dit à Ézéchiel, prêche! Ézéchiel regardait les eaux et constata désespérément la situation. Et quand je regarde le monde, les gens sont dans les bois de nuit, les gens sont dans des bêtises, les gens ont mis leur espoir, leur foi. Tu les entends crier, gémir, changer d'église, aller voir tel prophète. C'est parce qu'ils veulent avoir le matériel terrestre. C'est bien beau, mais il faut d'abord avoir l'esprit. Parce que Jésus est venu pour le ciel. Jésus est aussi venu pour régler les problèmes de la terre. Mais lorsque tu reçois la clé du ciel et que les problèmes de la terre continuent à t'accabler, à te détruire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit vient des quatre vents. Là, c'est l'Esprit de Dieu. Esprit vient. Quand tu es déjà né de nouveau, il dit, Esprit vient des quatre vents. On va vous expliquer ce dimanche ce que c'est que l'Esprit qui vient des quatre vents. L'Esprit qui vient des quatre vents. J'ai dit, l'esprit qui vient des quatre vents. On va vous expliquer cela. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Ce n'est donc pas Israël est déjà écarté. C'est le monde entier maintenant. C'est le monde entier maintenant. Ce n'est plus la maison d'Israël. Jésus n'est pas venu comme les sectes vous disent que Jésus est venu pour les Juifs. Non. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croit dans le monde ait la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Fils de l'homme, ses os, c'est toute la maison d'Israël, c'est toute l'humanité. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos sépulcres. Ceux qui sont en train de mourir maintenant, la Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les morts en Christ ressusciteront, premièrement. J'ouvrirai de vos sépulcres. Il y a aussi les sépulcres d'envoûtement. On a mis ton argent dans un cercueil. On a mis ton emploi dans un cercueil. On a enterré. On a mis ton mariage dans un cercueil. On a enterré. On a mis ta santé dans un cercueil. On a enterré. On a mis tes relations dans un cercueil. On a enterré. On a tout mis dans un cercueil. On a enterré. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, tu as des problèmes. C'est pourquoi je suis obligé de prophétiser pour que les problèmes de fécondité, que tu aies plusieurs entreprises, ça c'est la fécondité, mais là tu es stérile. Même la seule entreprise que tu as eu à créer, cette entreprise-là, Ngangang, rien ne marche. La maison que tu as achetée, toi, tu as mis en location. Les gens ne parviennent pas à payer le loyer. Tout est dans le cercueil. La voiture que tu as achetée, tu as envoyée en Afrique. Tu n'as pas reçu moindre, je dis bien moindre, recette. Tu veux construire, tu envoies de l'argent. On bouffe. Parce que ton argent est où? Dans le cercueil. Je dois prophétiser ce dimanche pour faire sortir cet argent du cercueil. C'est pourquoi on bouffe ton argent. Tu investis des capitaux dans des entreprises, dans ceci, commerce. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ton argent est où? Dans le cercueil. Tu cherches à concevoir des enfants. Ça ne marche pas. Ton argent est où? Dans le cercueil. Tu cherches à te marier. Le mariage est où? Dans le cercueil. Tout est dans le cercueil. La colère, parce que tu es dans le cercueil. La dépression, tu es dans le cercueil. Le rejet, tu es dans le cercueil. Tu as déjà vu qui dormir avec un cadavre? Accepter dormir, même ton mari qui est mort là. Accepter de dormir avec ces cadavres, c'est que tu es sorcier. Comme le militaire, si c'est un militaire, un Camerounais, sa femme est morte, qui se disait chrétien, et il dit, Dieu l'avait dit de ressusciter ce corps-là. Et le corps est resté dans la chambre pendant 6 mois. Il n'est jamais... Est-ce que c'est Dieu qui l'avait parlé? Vous voyez des faux enseignements que les gens reçoivent. Ici au Cameroun, ils sont des chrétiens, soi-disant chrétiens. Et la femme est morte. Il dit, lui et ses enfants, ils disent que Dieu a demandé de garder le corps. Elle va rester, il commence à prier. Le cadavre entre dans la pourriture. Il n'y a que les os, après 6 mois. Et quand les gendarmes arrivent, on le prend les menottes en prison. Et pourtant, il prétend que Dieu l'avait parlé. C'est Satan qui l'avait parlé, c'est pas Dieu qui l'avait parlé. Ici au Cameroun. Et tu peux pas prendre ta pensée ou bien la voix de Satan comme la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas un guide. Il y a des gens qui vous disent, vous n'avez plus besoin de pasteur, vous n'avez plus besoin d'aller à l'église, lisez la Bible à la maison. Lui aussi lisait la Bible à la maison. Et il dit, Dieu l'avait parlé. Mais son pasteur ne savait rien de ça. Il dit, Dieu m'a parlé. Il est resté à la maison avec les enfants. Il lit la Bible. Et Dieu nous a parlé. Notre maman va ressusciter. Ma femme va ressusciter. Parce qu'on lui a dit sur Internet que tu ne vas plus aller à l'église. Mais il est en prison aujourd'hui. Dieu l'avait parlé. Cadavre dans la maison 6 mois. Dieu précise. Il dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel, esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parce que la Bible dit, nous sommes une armée de Christ. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Une armée qui doit lutter contre les sorciers, qui doit lutter contre les dominations, les esprits dominateurs. C'est pourquoi le dimanche, je commence à parler des esprits dominateurs. Une armée nombreuse doit venir au temps des nations ici. Ne rate pas un seul instant. J'ai dit de ne pas rater. C'est pourquoi il continue à dire, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Pourquoi vous allez chez les pécheurs? Parce que vous croyez que votre espérance est détruite. Dans les traditions, déterrer les crânes, aller lire l'horoscope, écouter l'horoscope, appeler dans les centres téléphoniques pour dire quelqu'un qui c'est un magicien qui vient à la télévision. Parce qu'ici en Europe, ce sont les magiciens qu'on autorise à parler au peuple dans la télévision, où nous payons tous les impôts. Mais ce sont les magiciens qu'on autorise. Et la Bible déclare, voici ils disent, nos eaux sont desséchées. Le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Le pays d'Israël, c'est le roi. Le royaume des cieux, c'est toi qui es vrai Israël. Le royaume des cieux. J'ouvrirai des sépulcres. Il faut un évangile équilibré. Le royaume des cieux est réglé aussi. Le vrai évangile règle les problèmes du ciel. Le vrai évangile règle aussi les problèmes de la terre. Que l'on ne te trompe pas. Parce que j'entends qu'on ne doit plus parler des miracles. On ne doit plus parler des guérisons. C'est quel évangile? Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Est-ce qu'il y aura des démons au ciel? On ira chasser les démons au ciel? Qu'est-ce que vous racontez aux gens? Si vous n'avez pas la puissance, si vous n'avez pas l'autorité, si vous n'avez pas le pouvoir sur Satan et ses démons, taisez-vous, fermez la Bible. Retournez dans vos villages. Allez défricher les cacaoyères. Que de porter la Bible, c'est parler de part et d'autre pour dire, oui, on ne doit plus parler de miracles. Pourquoi vous dites aux gens que Dieu va guérir? Et Dieu ne guérit pas. Et Dieu ne guérit pas. Dieu ne délivre pas. C'est Satan qui parle par la bouche des hommes qui sont incapables. Ils se tiennent là seulement et lisent un verset biblique. Amen. On rentre à la maison avec des démons, avec de la sorcellerie. Et la nuit, le mari de Dieu vient, tu vois des personnes décédées dans les rêves. Toi tu as la colère, tu as le dérèglement, tu as tout ça dans ta vie. Tous les symptômes de colère excessive, de tremblement dans la colère, des accumulations excessives, des richesses sont en toi. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Et puis on te dit, ce sont les démons. Une personne qui se dit chrétienne et qui ne pense qu'aux choses de la terre, ce sont des démons qui sont en elle. Ce sont des esprits qui est trop attaché à ces choses de la terre. Mon argent doit être utile pour Dieu. Je prends ce dogme. Et quand Dieu te sauve, c'est pour que toi, madame, tu puisses annoncer l'évangile premièrement et que tu puisses financer l'œuvre d'évangélisation. L'œuvre d'évangélisation doit être financée. Nous devons avoir des chaînes de télévision pour prophétiser, donc annoncer l'évangile sur 7 milliards d'habitants. Mais le monde entier Aujourd'hui, il y a combien de croyants nés de nouveau dans le monde entier? Il y a combien de chaînes de télévision? Dis de ce nom qui émet sur tous les satellites du monde entier. Parce qu'il manque d'argent. Il n'y a pas d'argent. Mais Satan a volé tout l'argent du monde. Il donne aux joueurs du football un petit gamin qui frappe sur le cuir. On lui donne 200 millions, plus de 200 millions par an. Il signe un contrat. 200 millions d'euros. C'est pas même franc CFA. C'est pas Satan? Vous pensez que c'est Dieu? Ceux qui sont milliardaires, ils sont les enfants de Dieu? Pour construire une petite salle pour Dieu où les gens viennent prier, il faut crier, crier, crier, crier. Toi, tu as l'argent et tu as endurci le cœur pour donner. Tu penses que qui te pousse à endurcir le cœur pour donner pour l'œuvre de Dieu? C'est Satan. C'est Satan. Parce que Satan ne voulait pas que les âmes soient sauvées. Regardez un peu ce que les âmes, là où les âmes doivent être sauvées, chaîne de télévision que nous sommes en train de bâtir ici en France. Quand on te dit donne de l'argent, lance. Quand on te dit donne de l'argent, c'est pourquoi? C'est pour l'évangélisation par le canal des médias. Et cette évangélisation doit passer par les réseaux sociaux, doit passer par des médias, doit passer par tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire. La télévision, la radio. Ici, voici la radio. C'est pourquoi on demande à tous d'envoyer leur argent. Parce que nous montrons, tout ceci, c'est de l'argent, beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les ossements desséchés doivent sortir des tombes. La vallée doit être vidée. L'humanité doit être vidée. Et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Dit le livre de Romains, au chapitre 10, à partir du verset 14. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui prêche? Comment ils entendront? Chapitre 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alors moi je peux prêcher dans ma chambre ici. Si je n'avais pas ces appareils, qu'après avoir, je prêche, il y a une caméra qui enregistre. C'est une caméra qui coûte de l'argent. Une caméra qui coûte de l'argent. Je suis assis sur une table. Cette table-là a coûté de l'argent. Une chaise, c'est de l'argent. La télévision, c'est de l'argent. C'est de l'argent. La voiture qui vient de passer, on dit, les serviteurs de Dieu, vous l'avez, de grosses voitures. Cette voiture a été vendue pour cette salle. Vendue. C'est pas parce que j'avais des problèmes de loyer, mais pour acheter, pour avoir cette salle, louer cette salle, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Et pour installer aussi chaîne de télévision. Pour ces chaînes de télévision, il faut donc envoyer l'évangile dans le monde entier. Pas le canal de ces chaînes de télévision. Et alors, on dépense donc des centaines de milliers d'euros. Mais quelqu'un te dira, on n'a plus besoin de donner l'argent pour l'œuvre de Dieu parce que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a reçu cette salle gratuitement. Ces appareils que vous venez de voir, on a fait une autre liste pour les mettre sur satellite. Il faut encore plus de 500 000 euros, des vrais appareils. En Afrique, tu veux faire une petite chaîne de télévision, tu vas en Chine, tu vas ramasser n'importe quoi. Regarde les images des télévisions africaines et les images des télévisions européennes, occidentales. C'est tellement différent. Parce que même nos caméras, les appareils qu'on utilise, c'est des trucs qui viennent de Chine. Regardez, faites seulement la différence. Prenez les bouquets des Africains qui ont des chaînes de télévision. Regardez l'image. Rien à voir avec les images que nous voyons ici. Rien à voir. Parce qu'on ne veut pas dépenser. On ne veut pas dépenser. Même les chaînes de télévision d'État, on ne veut pas dépenser. On vole tout l'argent. Voici, pour ceux qui n'ont plus un projet, c'est déjà réalisé. On a besoin de cet argent pour annoncer l'évangile, pour que les ossements desséchés dans le monde entier, que la vallée, je prophétise par les réseaux sociaux, je prophétise par la télévision, par la radio, on m'écoute en URSS, on m'écoute aux États-Unis, on m'écoute en Chine, on m'écoute au Japon, on m'écoute à Cuba, on m'écoute en Afrique, on m'écoute, on me regarde. Parce qu'on doit payer beaucoup d'argent dans les satellites. Hein, on peut vous demander 10 000 euros. 10 000 euros par mois. Et il y a plusieurs satellites. Le personnel qui doit travailler pour ces chaînes. C'est pourquoi chaque personne, vous avez là le RIP où vous devez envoyer de l'argent. Et d'autres qui disent, nous allons donner, moi je peux donner 1 000 euros, je peux donner pour ce travail 1 000 euros, 500 euros, et le Dieu que moi je sers doit te bénir. C'est ce qu'on appelle la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. La foi et les œuvres. C'est ce que Jacques a enseigné dans le livre de Jacques toujours, au chapitre 2. Au chapitre 2, qu'est-ce qu'il dit? La foi et les œuvres. Et cette foi peut-elle réellement vous sauver? Est-ce que cette foi peut te sauver? Mais le volume, pour entendre ce que je dis, dépenser beaucoup d'argent pour que cela se réalise. Dans cette salle, c'est pas seulement la salle pour faire l'église. Nous allons réaliser beaucoup de choses là-dedans. Ça a été dit dans une vidéo au cours d'une prédication. Je vais vous faire entendre cela. Nous allons réaliser beaucoup de choses. On va vous montrer la vidéo et ce qui est expliqué dans cette vidéo. Tout ce que nous allons réaliser, vous allez entendre. Quand Dieu bénit, il bénit. Et lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses. Et j'ai été convié personnellement, invité pour venir visiter les locaux, visiter l'enceinte. Nous sommes dans tout un village, pour une première fois. En 31 ans de séjour en France, je suis agréablement scandalisé de voir un homme de Dieu qui est propriétaire de tout un domaine, où il y a des chambres, il y a des restaurants, il y a une salle d'une capacité de 3000 places. Salle de sport. On va visiter. Il y a une piscine. Il va faire des tours. Il y a tout ce qu'il faut, et le Seigneur est en train de faire. Donc, et là, nous profitons de cette occasion de vous montrer tout ça là, c'est prendre des places pour le parking. Et de l'autre côté là-bas, vous avez aussi des parkings. Alors, et ça, c'est l'enceinte qui va jusqu'au bout. Donc, c'est juste pour vous dire, homme de Dieu, servez le Seigneur. Et servons le Seigneur. Dieu est fidèle. Et Dieu rémunère, Dieu récompense. Il a entendu les cris de son serviteur. Qui a le fardeau des âmes? Qui a le cœur pour les âmes? Et ça, ce sont des choses qui doivent nous servir de leçon. Donc, bien aimé, nous allons pouvoir prendre derrière pour pouvoir accéder à la grande salle. Donc, veuillez me suivre. C'est votre humble serviteur, l'évêque Nazaire de Paris. Et je viens juste pour confirmer ce que les gens ne parviennent pas à comprendre. Il y a tout un gymnase, une salle de sport. Et voici la salle, la belle salle qui est devenue belle pour l'instant avec tout ce qui a été réalisé comme travaux. Après ces travaux qui ne sont pas d'ailleurs terminés, et voici la configuration de la salle pour l'instant. Vous voyez que nous avons encore tout ce qui est comme outil de travail à l'intérieur de la salle. Nous avons les baies vitrées, les décorations que ça doit prendre. Quand on a pris cette salle, il n'y avait pas tout ceci. C'était vraiment des glaces. Un entrepôt, il n'y avait pas de plafond. Aujourd'hui, nous vous présentons cette nouvelle salle qui a subi beaucoup de travaux, beaucoup d'améliorations depuis qu'elle a été prise. Ça a été un entrepôt auparavant, mais par la grâce de Dieu, on a pu améliorer les choses, comme vous allez le constater. Ça, c'est donc la salle. Là où nous sommes, c'est la salle des machines. Cette salle des machines, c'est une salle de commande, en principe, qui doit commander tout ce qui est comme les installations électriques, dans ce bâtiment. Et aussi, voici l'installation de la sortie de la fibre optique. La fibre optique, ça, c'est le gros casier. La sortie, la fibre sortira, puisqu'elle est déjà prise et les installations ont commencé. Ici, d'ailleurs, donc, plus haut là, ce sont les câbles de la fibre optique qui ont été déjà installés, qui viennent directement de là. À l'angle ici, c'est ça, la fibre optique qui vient du dehors, qui démarre ce 27 février, selon la société SFR qui nous fournit la fibre optique. Donc, nous luttons contre l'immigration clandestine en sensibilisant toute... Et voilà, après avoir suivi cette partie, nous retournons dans la parole de Dieu pour vous montrer, et tu continues à regarder les images pour que tu comprennes, tu saches exactement ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Tu dois mettre ta foi, comme la Bible le dit, la foi sans les œuvres. Quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres, cette foi est inutile. Cette foi est inutile. Et lorsque Jésus-Christ s'adresse, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Il a dit d'annoncer l'évangile. Mais on ne doit pas aujourd'hui parcourir le monde entier à pied. On doit aujourd'hui parcourir le monde entier par les réseaux sociaux, par les chaînes de télévision et radio. C'est pourquoi, cet endroit, nous demandons à tous ceux qui regardent ces émissions que si vous voulez être bénis, c'est le moment de s'aimer. Vous avez tout, tout est dit là-dedans. Vous avez le compte bancaire, vous pouvez s'aimer en envoyant 100 euros, 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros dans le compte bancaire, ou bien par le canal du nom qui s'affiche par Western Union, MoneyGram, envoyé au nom d'Aboudi Elisabeth, Association Ville Internationale des Médias, 4 Avenue. Tout est là, tout est dit. Nous luttons contre la pauvreté. La pauvreté, la première pauvreté est spirituelle, dont les ossements desséchés. Le message qui est sorti aujourd'hui, pour que l'évangile soit prêché, il faut des instruments qui transportent l'évangile. Et ces instruments ne sont pas gratuits. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux. Oui, ils vendent la parole de Dieu. Ils vendent la parole. La parole de Dieu, ce n'est pas le livre. La parole de Dieu, ce n'est pas le livre. Mais c'est le livre. Cette feuille-là n'est pas gratuite pour porter la parole de Dieu. Elle n'est pas gratuite. Le livre même n'est pas gratuit. Les ignorants, les satanés, les sorciers qui vous disent, ils vendent. La salle n'est pas gratuite. Nous payons 8500 euros par mois. Sans compter les charges. Avec les charges, on arrive déjà à 11 000 euros par mois. 11 000 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à 7 millions de francs CFA. Par mois, 7 millions de francs CFA par mois. Et quelqu'un vous dira, oui, ils demandent l'argent, ils font ceci, ils font cela. Lui qui est assis seulement derrière son ordinateur, il n'a pas autre chose. Après, ils vont vous demander de l'argent, donnez-nous, nous avons des progrès, des projets, et puis ils commencent à acheter des conteneurs, des caméras, des conteneurs pour aller vendre en Afrique. Et nous, on montre des preuves. Des preuves que toi, tu dois, tu sèmes sur une bonne terre. Sur une bonne terre. Tu mets une fondation. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc chapitre 6, verset 46 à 40. Le fondement ici, c'est ce sacrifice que tu feras, comme Paul l'appelle ça, sacrifice. Philippiens chapitre 4, verset 18. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Il ajoute, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si les Philippiens, les gens de Philippe n'avaient pas envoyé à deux reprises de l'argent, après ils n'allaient pas prier pour eux, ils n'allaient pas prophétiser. Et ça a changé leur vie, parce qu'il a dit, et mon Dieu pourvoira à vos besoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé à deux reprises l'argent à Paul, pour pouvoir à ses besoins. Ici, c'est pas pour pouvoir à mes besoins. C'est pour réaliser ce travail que vous voyez. À une autre occasion, il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que, voilà, il n'y a aucun pasteur maintenant qui envoie un rond. Mais lorsque l'assemblée décolle, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Docteur, je peux venir prêcher. Après, celui-là te dit, quand moi je prêche, hein, je fais les appels de fonds, on se partage. Mais l'église n'est pas une entreprise. J'ai vu les Américains des Bénin, les Bénin et les autres. Avant de venir prêcher chez toi, il faut d'abord mettre 50 000 euros dans son compte. Heureusement qu'il s'est repenti. Dans son corps, avant de venir prêcher. Donc ça veut dire quoi? On vend la parole. Avant de venir prêcher. Et moi, je voulais l'inviter au Cameroun. Et lorsqu'on m'a dit ça, j'ai dit non, je ne le fais pas. Moi seul, j'ai rempli les stades au Cameroun. Pourquoi je dois donner d'abord l'argent à quelqu'un pour venir prêcher? On doit pas me donner l'argent pour aller prêcher. C'est moi qui dois donner et comme je donne. Voilà ce qu'on appelle s'aimer. Je suis arrivé en France. Je fais venir l'argent de mon propre pays, dans mes comptes bancaires, dans le ministère, pour réaliser ce travail ici, pour réaliser ce que vous voyez. Je n'ai pas commencé à dire aux gens envoyés. J'ai montré l'exemple, j'ai des preuves, des papiers Western Union, des transferts avec le compte bancaire, avec ma carte de crédit du Cameroun. Je mets dans le compte de cette association, ici en Europe. J'ai des preuves. J'ai toutes les preuves, parce que les gens veulent des preuves. Toutes les preuves. Et aujourd'hui, les gens se mettent seulement derrière les chaînes de télévision, derrière les micros, derrière les caméras pour dire, oui, on demande l'argent. Voici lui où chacun veut, peut investir. Où chacun peut investir. Où chacun veut, peut investir. Lorsqu'il parle de la foi, il poursuit en parlant d'une sorte de foi qui semble plus profonde et qui, parce qu'elle ressemble davantage à la foi véritable et complète, est d'autant plus trompeuse et dangereuse. C'est ce sorte de foi se distingue de la foi temporaire, qui est un asservissement à la vérité biblique ou évangélique accompagné d'un effet insuffisant sur le cœur. Il décrit en disant, ce n'est pas une vraie foi. Tu veux savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Vain veut dire, comme Paul, l'idée de vide. Tu es vide. Ou bien défectueux. Et ça désigne quiconque s'oppose à la vérité. Quand quelqu'un te dit, il ne faut pas donner, cette personne, elle va, elle est vide. Cette personne s'oppose à la vérité. Parce que toute la parole de Dieu, on a enseigné le donner. Jésus-Christ lui-même a enseigné le donner. Les apôtres ont enseigné le donner. La meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Et il dit, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, celui qui sème peu moissonne peu. C'est pourquoi on a mis la semence. Tu dois s'aimer. Tu sèmes beaucoup, 1000 euros, 10 000 euros, ainsi de suite. Tu vas aussi moissonner. On ne demande pas donner les dons. Non, non, non, non. On dit de s'aimer. De s'aimer. C'est la semence, parce que tu vas récolter. Et lorsqu'il dit, il utilise un terme, il dit inutile. Ça comprend l'idée de stérilité, des manques de productivité. Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 7, verset 19. Une vie sans fruits prouve clairement qu'elle n'appartient pas à Dieu. Une vie sans les œuvres, ça prouve que tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu ne penses pas à l'évangélisation, pas les médias, toi-même tu ne peux pas sortir en route pour aller évangéliser, mais c'est le moment d'envoyer dans ce compte-là. Parce que ce n'est pas pour m'habiller, parce qu'ils disent, ah oui, il prend des costumes. Écoutez-moi bien, Dieu m'a béni largement, ce n'est pas un costume, largement. Je montre des preuves, ce que ton argent peut faire. Ici, là, ce n'est pas l'argent de la France qui fait ce travail, c'est l'argent qui vient de l'Afrique. Je le dis, oh! Oh les mains, que voici, j'ai des preuves. C'est pas l'argent de la France. C'est pas l'argent de la France qui a pris cette maison que vous voyez là. C'est pas l'argent de la France qui a fait quoi que ce soit ici. J'ai toutes les preuves. Toutes les preuves. Parce que ici, un pasteur achète une voiture, les brebis quittent l'église. Ils utilisent notre argent. Parce qu'ils voient des vidéos des satanistes, des sorciers sur Internet qui disent « Ne donnez plus ceci, ne faites pas cela. » Ta foi est inutile. Luc rapporte qu'un certain nombre de gens de Samarie, y compris un magicien du nom de Simon, crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Femmes et hommes se firent baptiser. Et Simon lui-même a été aussi baptisé. Et quand Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition, il leur donne de l'argent. Ce sont des manifestations pareilles qui sont démoniaques. Mais pour l'œuvre de Dieu, tu dois donner. Mais si quelqu'un te dit, donne, je te donne un don du Saint-Esprit, ou bien donne d'abord de l'argent, non. Non. Non. Non. Donc voilà, c'est pour vous dire quoi? Vous devez absolument s'aimer dans cette œuvre pour que nous ayons tout le nécessaire pour travailler. Le nécessaire, c'est l'argent. C'est l'argent. Envoyez dans ce compte, le compte bancaire, et ça passe. Que ce soit MoneyGram, le nom est affiché devant vous. Vous entrez le compte bancaire, tout ce qui est nécessaire pour faire les transferts d'un compte à un autre. Tu peux le faire. Au nom de cette association et non plus au nom de Chalisomba. Via l'international des médias. C'est pourquoi nous mettons toujours ces images, ces jours-ci. Pour que chacun, tu ne diras plus que, oh oui, Dieu a créé, Dieu vient de créer une occasion, comme il le dit, 2 Corinthiens chapitre 8. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8, il est écrit que malgré les épreuves, malgré les épreuves, malgré la pauvreté qui avait frappé cette église, ils ont donné, je l'atteste, selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Ils ont donné au-delà de leurs moyens. Ce n'est pas seulement ceux qui sont riches qui doivent donner. Même au-delà de tes moyens. L'apôtre Paul dit, il atteste qu'ils ont donné, et même au-delà de leurs moyens. 1 Corinthiens, le chapitre 8, que nous allons lire, ça sera ma dernière lecture avec vous ce soir. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ce bâtiment est destiné, les saints ici, c'est qui? C'est pas Saint Paul qui est mort, Saint Pierre qui est mort. Tous qui viendront prier, c'est une assistance. En été comme en hiver, nous avons déjà une salle, des bureaux, la télévision qui sera logée, la radio et tous les services, des salles. Regardez! Regardez! Voilà le rythme du compte bancaire où tu dois faire les transferts. La façon dont les gens considèrent l'argent est un bon baromètre de leur spiritualité. L'argent n'est ni bon ni mauvais en soi. Ceux qui sont corrompus peuvent en faire un mauvais usage, tandis que ceux qui sont bien peuvent en faire un bon usage également. Même si l'argent est neutre, l'usage que font les gens de leur argent reflète leur moralité intérieure. Selon ce que Jésus a écrit, Jésus a dit, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Luc chapitre 12, verset 34. La Bible n'interdit pas la possession d'argent. En fait, elle enseigne que l'Éternel donne de la richesse pour acquérir ses richesses. C'est l'Éternel qui donne des richesses. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Et nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Et en vertu de sa bénédiction, bien des hommes pieux mentionnés dans l'Écriture comme Job. Job a fait des sacrifices. Abraham. Genèse chapitre 13, verset 2. Isaac, chapitre 26, verset 12 à 13. Jacob, chapitre 30, verset 43. Ils étaient riches. Boaz, Ruth, chapitre 2, verset 1er. Salomon, alors, c'est grave. Salomon a fait des sacrifices plus que toute autre personne dans le monde. Et quand Dieu apparaît dans la nuit, Salomon a fait des sacrifices dans la journée, et Dieu a apparu dans la nuit, dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Si tu ne fais pas de ça, si tu ne donnes pas, Dieu ne peut pas te demander ce que tu veux. Dieu ne peut pas résoudre tes problèmes. Lorsque tu vas commencer à s'occuper seulement de tes problèmes, j'ai le loyer, j'ai ceci, Dieu va t'abandonner dans tes problèmes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent. Ils souffrent pourquoi? Ils s'occupent d'abord de leur salaire, de leur loyer, de leur argent de nourriture, des habits, l'argent de poche. Ils oublient l'œuvre de Dieu. Et dès que tu oublies l'œuvre de Dieu, Dieu t'oublie aussi. Dieu t'oublie directement. Directement. Bien que la Bible n'interdise pas la possession d'argent, elle affirme que nous ne devons pas l'aimer. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les gens aiment tellement l'argent aujourd'hui que donner, ça devient un problème. Ils aiment les sorciers qui viennent prêcher. Dieu ne donnez plus la dîme. Quelle dîme? La dîme n'est pas biblique. Quelle dîme qui n'est pas biblique? Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, taisez-vous, fermez votre Bible, vous êtes des sorciers. Abraham, notre père, a payé la dîme. Dans la lettre de Paul aux Hébreux, est-ce que ce n'est pas dit, tous les enfants spirituels, vous aviez reçu le Seigneur dans ce ministère, vous devez donner votre dîme. Vous devez envoyer votre dîme ici, dans les comptes bancaires ici, là. Vous envoyez votre dîme, vous envoyez les offrandes. À chaque fois que tu regardes la vidéo, tu envoies une offrande. Tu envoies une offrande. Parce que c'est ces offrandes, ces dîmes que l'on prend pour investir pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi les hommes de Dieu ne peuvent jamais avoir de grandes chaînes de télévision? Vous savez, avoir une chaîne de télévision, la Suisse a voté aujourd'hui. Il y a des sociétés qui se sont levées en disant que l'État ne doit plus financer, on ne doit plus payer les impôts pour les télévisions, chaînes de télévision en Suisse. Il y a eu vote. Et ils ont dit, nous devons. Ils dépensent 400 millions, 600 millions par an pour la chaîne de télévision. Pourquoi les chrétiens, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ne peuvent pas donner cet argent pour que cet argent soit dépensé? Moi, j'ai montré des preuves, ce que je fais avec l'argent, le peu que les pauvres gens en Afrique donnent. Moi, je suis dans les affaires. Là où l'église que vous voyez au Cameroun, là, c'est mon argent qui est à la fondation de cette église. Mon argent gagné des marchés de l'État. J'ai gagné des marchés de l'État. L'État m'a payé. J'ai pris cet argent, 2 millions, pour investir dans l'œuvre. Pour avoir l'endroit où nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Les gens ouvrent leur bouche. Leur bouche pour parler. Si vous ne connaissez pas, fermez vos bouches. La personne qui parle n'a rien fait. Pour Dieu, un jour, qui peut nous montrer que moi j'ai fait ça? Voici ce que moi, j'ai des choses à vous montrer tout le long de la semaine. Pour fermer les bouches à ceux qui parlent. Vous aussi montrez votre part. Mais vous ne montrez absolument rien. Vous venez seulement sur les réseaux pour parler. Vous dites quoi? Fermez vos bouches. Vous n'avez rien à montrer. Et la Bible dit, ceux qui se sont jetés dans l'amour de l'argent, ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Dans bien des tourments. Plus loin dans ce même chapitre, Paul exhorta Timothée ainsi, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Aimer l'argent, c'est avoir pour lui une affection malsaine et être poussé à l'acquérir à tout prix. Or, une telle poursuite est de la folie pure. Mais lorsqu'on commence à donner à Dieu, c'est une façon de s'aimer pour que Dieu te bénisse. Dieu dit, veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5. Bien qu'il ait été un des hommes les plus riches qui ait existé, Salomon a écrit sur l'argent. L'amour de l'argent a été désastreux pour Akam, sa famille et sa nation. L'amour de l'argent, les gens qui ne veulent pas donner, c'est un désastre pour ta famille et pour la nation tout entière. Une nation qui donne l'argent aux fétiches, aux traditions, aux coutumes, aux satanistes, aux sorciers, dans les cercles mystiques, les sectes pernicieuses. Vous ne pouvez pas, vous combattez même l'œuvre. C'est une malédiction pour une telle nation. Ça c'est l'Afrique, où Roger Mila, l'ancien international du Cameroun, est venu voir le chantier. Les œuvres, c'est ça les œuvres. Je vais en brousse, je travaille, chaîne de télévision par-ci, par-là, au niveau du Cameroun. Avec l'argent du ministère, montrez, ceux qui parlent, montrez pour vous. C'est pourquoi j'ai le plein droit de vous dire s'aimer. S'aimer pour que nous ayons tout le nécessaire pour travailler. Nous allons payer les salaires, payer les loyers, payer, acheter même tout ce domaine-là, en millions d'euros. Mais donner, il vous sera donné. C'est pas écrit dans la parole de Dieu? C'est pas écrit dans la parole de Dieu? Si. Si. Voilà ce que je peux vous dire. On va d'abord s'arrêter là aujourd'hui. Mais fais tout et tout. Tous ceux qui sont des enfants spirituels. Tu es un enfant de Dieu. Envoie tes dons, ta semence. Tu es du temps de nation ou pas. Envoie la semence, tu verras la bénédiction qui va suivre. La bénédiction qui va suivre. Envoie dans ce compte. Fais un transfert, un transfert. Fais un transfert. Et tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Et j'ai annoncé un grand mouvement ce dimanche. Ne manquez pas le Temple des Nations ce dimanche. Ne manquez pas. Il faudrait être là absolument. Tu vas voir ce que Dieu va faire par rapport à tout ce qui a été dit. Rappelle-toi, partage la vidéo. Il faut également s'abonner. Il faudrait s'abonner pour que la grâce de Dieu continue à se manifester dans ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Amen.